إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، قال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فهنا الله سبحانه وتعالى il dit dans le verset cité ici: pensez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Allah est bien au-dessus de cela. Lui l'unique souverain, lui l'unique souverain véritable. Ibad Allah, ha hiya al-ayyam tasiru hatitan, tasiru sayran hatitan, wa sayruha ma'nahu intiwa'u al-a'mar. Fa kullama madha yawmun madha ba'duna wa juz'un min a'marina. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, voici les jours, ils passent très vite. Et cela veut dire que c'est notre vie qui passe. Chaque jour qui passe, c'est une partie de nous qui part. Ou c'est une partie de notre vie qui s'est terminée. Ibad Allah, alayna an nas'ala anfusana, mada nantadir, wa mada yantadiru hada al-alamu bi asrihi. فالكل ينتظر الموت، وماذا ينتظر الذين في القبور؟ ينتظرون البعث، فهذا سفر متواصل لا ينقطع، يسير مع مرور الأيام. وهذا عباد الله يوجب علينا أن نذكر أنفسنا ببعض ما سنواجهه وسيواجه هذا العالم ونحن في هذا السفر الطويل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. Il nous incombe, frères en Allah subhanahu wa ta'ala et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, de se demander qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qui attend ce monde. Tous nous attendons la mort. Qu'est-ce qui attend ceux qui sont dans les tombes? Le rassemblement, la résurrection. Ceci est un long voyage qui ne s'arrêtera pas. Il va à l'allure des jours qui passent. Frères en Allah subhanahu wa ta'ala et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligatoire pour nous de nous rappeler certains événements que ce monde va subir, et nous avec, car on fait partie de ce monde. On fait partie de ce monde durant lequel ce monde, durant ce long voyage vers le souverain subhanahu wa ta'ala. عباد الله علينا أن نتذكر بعض هذه الأحوال التي تنتظرون جميعا. نقف في هذه الجمعة مع سورة قصيرة لكنها عظيمة المعاني، تهز القلوب الحية والمشاعر الحية. إذا تدبرناها امتلأت قلوبنا خوفا ورعبا مما ينتظرنا وينتظر هذا العالم بإسره، ألا وهي سورة القارعة. فإن الله سبحانه وتعالى durant cette خطبه nous allons nous arrêter avec une sourate qui nous clarifie pour nous rappeler ce qui nous attend et les événements qui nous attendent. Et tout ce qui attend ce monde, ces événements horribles qui attendent ce monde. Et cela à partir de Sourate Al-Qari'a, dont les significations sont grandioses, des significations qui secouent les cœurs éveillés et les cœurs vivants. Si on médite, si on la médite, nos cœurs seront remplis des frayeurs à cause des événements qui nous attendent et qui attendent ce monde. Cette sourate, c'est tout simplement, tout le monde la mémorise. C'est Sourate Al-Qari'a, le fracas, ou le jour qui va frapper les cœurs du froid, ou le frappant. فَالْقَارِعَةُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الَّذِي تُصَوِّرُهُ لَنَا هَذِهِ الصُّورَةِ وَمَوْضُعُهَا الرَّئِيسِ هُوَ هَوْلُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبتوت وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية تأمل كالفراش المبتوت هذه الحشرات التي تخرج في الليل تقلب على الضوء ما تعرفوش وين تمشيو تتمشي على اليمين تمشي على اليسار غير غاديين هكذا سنخرج من القبور والجبال ستكون كأن لم تكن فهذه صورة عظيمة تصور لنا أحوال الناس وتصور لنا ذلك الخروج من القبور فلنتأمل ولنتدبر كل ما جاء في هذه الصورة لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها قلوبنا وأن يشحد بها هماننا وأن يقوي بها عزائمنا وإيماننا وأعمالنا الصالحة. Le jour du fracas, frère Allah subhanahu wa ta'ala, ou le jour qui frappe du froid, il est un des noms du jour de la résurrection. Cette sourate, le fracas, nous donne l'image de ce jour, car le sujet principal de ce jour, c'est les horreurs qui vont se passer durant cette journée. Qui vont se passer durant cette journée de la résurrection. La sourate dit, c'est le fracas, le jour qui frappe les cœurs des froids. Qu'est-ce que donc le fracas? Et qui te donnera une idée du fracas? Le jour où il se produira, les hommes seront semblables à des papillons, c'est-à-dire à des nuits d'insectes qui sortent la nuit et qui vont vers la lumière et vers le feu. Voyez un petit peu les lampadaires, quand il y a tous ces petits insectes, qui ne savent pas où voler, ni dans quelle direction ils vont être. Ben, la même chose, ça va nous arriver le jour de la résurrection. Et les montagnes, comme des flocons de la laine légère, qui est emportée par le vent dans tous les sens. Celui dont les bonnes œuvres pèseront plus lourd que ses péchés connaîtra une vie agréable qui le satisfera. Quant à celui dont les bonnes œuvres seront plus légères que ses péchés, sa destination finale sera un abîme dans lequel il sera précipité, la tête en premier. Qui te dira ce qui est l'abîme? C'est un feu ardent. C'est une grandiose sourate à l'islam qui nous clarifie sur les événements de ce jour et qui nous donne l'image de la sortie des tombes le jour de la résurrection. Et il nous incombe de méditer tout ce qui est cité dans cette sourate, dans l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'espoir que cela nous soit profitable, et soit profitable à nos cœurs, et que cela motive nos ambitions, et que cela augmente notre foi, et augmente nos œuvres. Al-Qari'a, ismun min asma'i yawm al-qiyamah, wa asma'u yawm al-qiyamati katira. فهي الحاقة فهي الطامة فهي الصاخة فهي يوم التغابن فهي الواقعة وغيرها من الأسماء التي سمى الله سبحانه وتعالى بها يوم القيامة وكل اسم من أسماء يوم القيامة يحمل معنى فهذا الاسم القارعة لأنه يقرع القلوب ويقرع الأسماء بتلك الصيحة فإن الله سبحانه وتعالى لو فخاك أو لو فخابون أو لو جور كي فخابرا لي كور دي فخوا سا سي تان دي نون دو جور دو لا ريزيركسيون. لي نون دو جور دو لا ريزيركسيون سون نومبرو. سي ليفينمون, سي لا دوبري, سي لينفيتابل, سي لو سون أسورديسون que produira Israfil à partir de sa trompe, et d'autres noms qu'Allah a donnés à ce jour, et chaque nom parmi ces noms a une signification qui nous clarifie sur ce jour très dangereux. Al-Qari'a est nommé ainsi, car il frappe les cœurs du froid par le son assourdissant de la trompe dans laquelle soufflera Israfil, alayhi salatu wassalam. Takhayyal ya Abdallah, تخيل يا عبد الله وأنت في القبر, تخيل نفسك وأنت في الطين, إن كنت صالحا ففي روضة من رياض الجنة, وإن كنت طالحا فحفرة من حفر النيران. Imagine toi, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, toi le soumis à Allah, alors que tu es dans ta tombe, imagine toi enfui dans la tombe, si tu étais vertueux, c'est un jardin parmi les jardins d'Idilis. Et si tu étais un débauché ou un polythéiste, c'est un gouffre de l'enfer. Ya Abdallah, takhayyal hadi al-hal baynam al-alam bi-amr bi-asrihi ba'da damar al-kawn qad sakana al-qubur wa dakhala wasat al-ard tahta tabaqat al-turab idha bis-sayhati takhtariq al-asma' li shiddatiha وهولها وتقرع القلوب لعظمتها بإذن علام الغيوب. تخيل أخ الإسلام وأنت في قبرك وأنت تحت التراب, وإذا بصوت يخترق هذا الركام من التراب ويخترق سمعك ويقرع قلبك ويهزك هزا من أجل أن تقوم. تخيل هذا الموقف الذي لا بد لنا منه ولا هروب منه ولا يمكن الهروب منه, ولذلك فليعمل العاملون لهذا اليوم. فإن الله سبحانه وتعالى imagine cet événement alors que le monde entier après sa destruction est dans les tombes au milieu de la terre sous des couches de terre. Tout d'un coup le son assourdissant de la trompe d'Israfil traverse les auditions de par sa force et de par sa terreur. Il frappe les cœurs d'effroi par l'ordre de celui qui détient seul le savoir de l'invisible, subhanahu wa ta'ala. Imagine alors que tu es allongé dans ta tombe, frère en Allah, sous terre, tout d'un coup, un son assourdissant traverse cet amas de pierre, il déchire ton audition, il frappe ton cœur d'effroi, il te soulève, te secoue fortement pour que tu te lèves, pour que tu sortes pour la résurrection. Imagine cette situation à l'akhal islam. Ta'ammal akhal islam. Qawl Allah Azza wa Jal. Al-qari'atu mal-qari'a. Karrarahu Allah subhanahu wa ta'ala. Li'adamatihi wa ahammiyatihi. Wallah subhanahu wa ta'ala. Kama qala al-ulama. Iza karrara amran. Innama yukarriruhu li'ahammiyatihi wa adamatihi. Qala Azza wa Jal. Al-haqqatu mal-haqqa. وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. قال عز وجل, قال الله عز وجل, الله سبحانه وتعالى يكرر هذه الأسماء لأهميتها وعظمتها, ويكرر اسم القيامة لأهمية هذا الأمر لكي يلفت الأنظار إليه وينبه العقول القلوب الغافلة لهذا الحدث العظيم الجلل. Mais dites frère en Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset, le fracas, et qui te donnera une idée du fracas? Allah subhanahu wa ta'ala l'a répété pour son importance et pour ses horreurs. Les savants disent, quand Allah subhanahu wa ta'ala répète un sujet ou un événement, c'est pour son importance. Mais dites cela dans les versets qui nous dit, le jour inévitable, qui te dira ce qui est le jour inévitable? Et dans l'autre verset, il est dit, nous avons fait descendre ce Coran pendant la nuit du décret. Qu'est-ce que tu diras ce qui est la nuit du décret? Allah subhanahu wa ta'ala répète ses noms pour leur importance. Il répète le nom du jour de la résurrection pour son importance et pour attirer l'attention et éveiller les cœurs insouciants à ce dangereux événement. القارعه من قارعه هي قارعه وكيف لا واسرافيل عليه الصلاه والسلام ينتظر امر رب العالمين ليرسل بالصور هذه الصيحه التي تقضي على اهل السماوات والارض الا من شاء الله ثم يكرر النفخه لينبعث بعدها جميع الناس بل جميع الجن بل حتى الحيوانات والطيور وكل الكائنات الحيه فهنا الله سبحانه وتعالى لو فراكا كي تديغا كي تدونغا يني دي فراكا سي تان فراكا سونز اوكان دوت سا نو بو با اتر اوترومون سا نو بو با اتر اوترومون alors que Israfil عليه الصلاه والسلام attend l'ordre du souverain du monde subhanahu wa ta'ala pour souffler dans la trompe ce son assourdissant qui fera mourir ceux des cieux et ceux de la terre excepté ceux qu'Allah voudra, et il répétera le souffle pour ressusciter toutes les créatures, les humains, les jeunes, les animaux, les oiseaux, toutes les créatures. تخيل يا عبد الله تخيل هذا الموقف الرهيب وربنا يقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Imagine, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, cette situation dans laquelle nous allons être ce jour-là. Il est dit, dans le verset, on soufflera dans la trompe, et tous ceux qui seront dans les cieux et sur terre seront foudroyés, excepté ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, voudra. Puis on y soufflera à nouveau, et voici que toutes les créatures se lèveront et regarderont. Dans le verset est cité le premier souffle, où tout le monde mourra, excepté ce que Allah subhanahu wa ta'ala voudra. Et il citait aussi le deuxième souffle, après lequel tout le monde sera ressuscité. Takhayyal akhal islam. Hina tatashakkaqu al-ardu. Wa takhayyal hina ta'tika hadhi al-sayha. Wa takhayyal hadha al-alam. Wa takhayyal al-arda. Khalat min sukkaniha. Wa min al-harakati. Wa min al-sayr. Wa min al-aswaq. Tawakkafat al-hayat. توقفت الحياة على وجه الأرض وتخرب بناؤها فأصبحت خالية من سكانها لا يرى عليها أحدا أسكتتها الصيحة. Imagine, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, la terre qui se fissure. Imagine-toi subir ce son assourdissant, ainsi que tout cet univers et ce qu'il contient. Imagine cette terre sur laquelle tu vivais, il n'y a plus personne. Il a été vidé de ses écoupements. Plus de mouvement, plus de bruit, plus de va-et-vient. La vie s'est arrêtée et tout est détruit. La terre complètement vidée de ses occupants. Le son assourdissant a tout anéanti. قال سبحانه وتعالى وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. On soufflera dans la trompe et tous ceux qui seront dans les cieux et sur terre seront foudroyés, excepté ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala voudra. Tammal akha al-islam, mata man fi s-sama wa mata min ahli al-ard illa ma sha Allah. Sayha wahida amatat kull shay, awqafat al-harakat, awqafat al-aswat, amatat kull shay, ma baqiya shay. لا إله إلا الله والله أكبر صيحة أخرى تعيد العالم من جديد. قال سبحانه وتعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم ينظرون. Les habitants des cieux sont morts et ceux de la terre excepté ce que Allah subhanahu wa ta'ala voudra. Un son a tout anéanti. Plus de mouvement, plus de bruit, plus de vie. Et la gloire est à Allah subhanahu wa ta'ala. Un deuxième son et tout ce monde revient à la vie. Comme il est dit dans le verset. Puis on y soufflera à nouveau. Et voici que toutes les créatures se lèveront et regarderont. Ya Abdallah, kayfa yakunu halul khala'iqi, kayfa yakun fi dhalika al-mawqif, عندما يخرجون من القبور، عندما يقومون. تأمل قول الله عز وجل: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، كهذه الحشرات التي تجري في الضوء في الليل أو تجري إلى النار وهي لا تعرف أين تذهب، لا يمين ولا يشيمان، وتدور. تخيل يا عبد الله وأنت واحد من هذا العالم الذي هو كالفراش المبتود الذي لا يعرف أين يذهب. تخيل نفسك في هذا العدد الهائل والزحام المخيف، هذا العدد الذي لا يحصيه إلا رب العالمين. وسم يا الله، comment vont être toutes ces créatures quand ils se lèveront? Ils seront, comme il est dit dans le verset, dans Sourate Al-Fraka, le jour où les gens seront semblables à des nuées de papillons. Des nuées de papillons de nuit. Les papillons dont il s'agit ici, c'est ces petits insectes qui se précipitent vers la lumière et vers le feu, et qui ne savent qu'ils tournent n'importe comment et qui vont dans toutes les directions. Imagine, frère, Allah subhanahu wa ta'ala, toi le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, toi la soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine-toi, alors que tu es des nombres de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a qualifiés comme des papillons de nuit. Imagine-toi au milieu de cette assemblée dont ne connaît le nombre que le souverain du monde subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma asma'un wa astaghfirullah li wa lakum. فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. عباد الله، تأملوا كيف يصور الله لنا سبحانه وتعالى خروج هذا العالم من أجداثهم. قال عز وجل: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. سبحان الله، يقوم الإنسان ويفاجأ بأن الأرض مولئت بالخلق وكل مندهش، فيسكنهم خوف شديد، خاصة الكفرة والمنافقون والعصاة. Imagine frère Allah سبحانه وتعالى، imagine cette image que Allah سبحانه وتعالى nous donne de ces créatures qui sont sorties de leur tombe. Il est dit dans le verset: détourne-toi donc d'eux, et attends pour eux le jour où Israfil appellera vers une chose affreuse. Le regard baissé et épouvanté, ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées, ne sachant où fuir. Gloire à Allah, les créatures, toutes les créatures que Allah subhanahu wa ta'ala a créées depuis le début de la création jusqu'à la fin, sortiront de leur tombe. Ils seront surpris par l'énorme assemblée des créatures. Ils seront effrayés. Surtout les mécréants, les hypocrites, les désobéissants. Imagine frère Allah subhanahu wa ta'ala ce monde comme des sauterelles éparpillées qui ne savent pas vers où fuir. Et on fait partie de ce monde. Et on sera comme nous. On ne saura pas où aller. هل يستطيع أحد منا يا عباد الله أن يتخلف إذا جاء هذا القرار؟ أيستطيع أحد منا أن يختبئ إذا جاء هذا الأمر الإلهي؟ قال عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. في ذلك اليوم الشديد قال سبحانه وتعالى عن الإنسان: يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ أين المفر؟ تخيل يا عبد الله وأنت عاري الجسد حافي القدمين، أين تفر؟ إلى من تلجأ في ذلك الموقف العصيب؟ أين تذهب؟ ذلك اليوم لا ينفع فيه إلا من أتى بقلب سليم. ذلك اليوم لا ينفعك فيه إلا ما قدمت في هذه الدنيا من أعمال صالحة. ذلك اليوم لا ينفعك إلا عملك الذي أخلصت فيه لله سبحانه وتعالى واتبعت فيه محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا الذي سينفعك، ولا مفر لك من ذلك اليوم أخي الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: Est-ce que quelqu'un peut s'absenter quand arrive ce décret d'Allah سبحانه وتعالى؟ Est-ce que quelqu'un peut se cacher quand cet ordre d'Allah سبحانه وتعالى s'accomplit؟ Où se cacher؟ قال سبحانه وتعالى، il est dit dans la traduction approximative du sens du verset: Lorsque la terre sera secouée par son plus violent séisme et que la terre rejettera les fardeaux qu'il porte en elle, et que l'homme dira: qu'a-t-il donc? La terre va tout rejeter, tout sortir. Et dans l'autre verset, il est dit que l'homme va dire ceci: en ce jour, l'homme dira: au fuir, au fuir, où aller, où se cacher, où se réfugier. Imagine, frère Allah subhanahu wa ta'ala, pieds nus, corps nus, où tu peux fuir? Vers qui tu peux te réfugier lors de cet événement difficile? Ce jour-là, rien ne te servira. Ce qui va te servir, ce sont les œuvres que tu as accomplies sincèrement pour Allah et dont le suivi de ton messager, alayhi salatu wassalam. Ce qui va te servir, c'est les actes que tu as accomplis durant ta vie et que tu accomplis durant le reste de ta vie, dans la sincérité et dans le suivi. C'est tout ce qui va te servir. Et ce qui va te permettre d'être sauvé. Ibad Allah. Kam hiya khasaratuna idha laqayna Allah. Wa nahnu nahmilu al-dunuba wal-ma'asi wal-bid'a wal-mukhalafatu li-awamirillah wa amamiri rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Kayfa satakunu khasaratuna إذا قابلنا الله بما لا يرضيه سبحانه وتعالى عنا؟ فيا لهول ذلك اليوم الذي هو أقرب إلينا مما نظن. قال عز وجل: إنهم يرونه بعيدا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فهو قريب، فهو قريب جدا. فلننظر ما أعددنا لذلك اليوم. Combien frère الله سبحانه وتعالى sera énorme notre faillite et notre perte si on arrive devant notre souverain subhanahu wa ta'ala avec des péchés, avec des innovations, avec des divergences avec le livre d'Allah et la sunna de son messager alayhi salatu wassalam. Comment va être notre perte si on rencontre Allah avec ce qu'il n'aime pas et n'agrée pas subhanahu wa ta'ala? Les horreurs de ce jour sont énormes. Ce jour qui est proche, contrairement à ce que certains peuvent croire, il est dit dans le verset, ils le considèrent improbable alors que nous savons qu'il est très proche. Il est très proche. Ben, il faut se préparer pour ce jour. Et qu'on regarde où sommes-nous par rapport à la religion d'Allah? Où sommes-nous par rapport à la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam? Où sommes-nous par rapport à notre soumission? Parce que c'est ça qui va te servir à l'islam. Rien ne te servira d'autre à part cela, tes bonnes œuvres et accomplies dans la sincérité et dans le suivi. فيا عبد الله ما دمت حيا فاغتنم وقتك فيما يرضي ربك قبل الحسرة والندامة التي لن تنفعك يوم القيامة. يا عبد الله قدمت علينا أيام مباركات، أيام قالت عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل وإيقظ أهله وجد وشد المئزر. والحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. فها هي أيام فاضلة وموسم عظيم يأتينا في هذه الأيام، فعلينا أن نغتنمه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. فعلينا أن نجتهد في هذه الأيام المقبلات بالأعمال الصالحة التي سترضينا يوم لقاء الله عز وجل. يا عبد الله إن كنت من المقصرين فتدارك فتدارك قبل أن يفوت الأوان، وإن كنت من الموفقين فاثبت على ما أنت عليه وزد عليه، وإياك والكسل. هذه زبدة الشهر، وفيها ليلة من حرمها حرم خيرا كثيرا. فهنا الله سبحانه وتعالى tant que tu en vis, profite de ton temps. Prends ton temps comme un butin de ce qui va te prévaloir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant le temps du regret. Et le regret ce jour-là, le jour de la résurrection, ne servira plus à rien. C'est fini. Nous allons accueillir des jours pleins de bénédictions. Des jours que notre mère Aïcha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, la véridique, fille du véridique, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Il a dit, le messager d'Allah a redoublé d'efforts pendant le mois de Ramadan, plus que les autres mois, et plus encore lors des derniers jours, par rapport aux autres jours du mois. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. Et il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, lorsqu'arrivent les 10 derniers jours de Ramadan, du mois de Ramadan, le messager d'Allah passait les nuits en prière, réveillait sa famille, redoublait d'efforts, il serrait son isard. Donc frère Allah subhanahu wa ta'ala, t'as une noble saison qui s'offre à toi. Saisis-la. Saisis-la dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Prends-la comme butin pour accomplir des œuvres qui vont te servir le jour de la résurrection. Qui vont faire que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi. Soumets à Allah si tu as été parmi les négligents. Durant le début de ce mois, rattrape-toi et saisis-toi et saisis cette noble occasion. Et si tu as été parmi ceux à qui Allah a facilité le bien durant ce mois, persévère et augmente tes efforts. Attention à la fainéantise durant cette noble saison, car cette dernière décade du mois de Ramadan, durant cette dernière décade du mois de Ramadan, il y a une nuit, celui qui la rate. Sera privé de beaucoup de biens. Fasse Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, Allah yuhrimna wa iyyakum min a'mal al-khayr fi hadhihi al-ayyam al-mubarakat. Wa nasalu subhanahu wa ta'ala an yaj'alna wa iyyakum min 'utaqa'i min an-nar fi hadha ash-shahr al-mubarak. Salu subhanahu wa ta'ala an yufaqihna wa iyyakum fi dinihi. وانجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سألوه سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا. سألوه سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى ما يحب ويرضاه، وأن يرزقهم بطانة صالحة تعينهم على إقامة الدين. سألوه سبحانه وتعالى أن يشافي مرضى المسلمين، وأن يعافي مبتلى المسلمين، وأن يغفر لأموات المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.